Chapitre 13. L'avertissement. Deux ou trois jours après le dimanche où le major Barney avait visité Old Kent Road, cet officier accompli déjeunait avec sa femme dans la salle à manger d'une petite maison située dans Kensington Gore. Les joues de Mrs. Barney se sont légèrement creusées pendant les 14 années qui se sont écoulées depuis la dernière fois que nous l'avons vue. Mais les boucles luxuriantes de sa chevelure tombaient toujours comme autrefois en masses onduleuses autour de son visage ovale. Elle ne paraît cependant pas très aimable ce matin. Elle n'a rien mangé, mais elle s'amuse à détruire la muraille extérieure d'un pâté de foie gras. Il semble presque qu'elle puise une joie sauvage dans cette occupation, et le couteau brillant qu'elle agite dans sa petite main nerveuse a quelque chose de l'aspect d'un poignard. Peut-être Mrs. Barney le pense-t-elle elle-même, car bientôt elle dit, en suivant des yeux chaque mouvement de l'acier étincelant, « Combien il est dur de ne pouvoir pas poignarder quelqu'un chaque matin avant le déjeuner. Si j'étais princesse russe et si je possédais 3000 esclaves, j'en tuerais un chaque matin pour me mettre de bonne humeur. Cela vaudrait mieux que le vin du Rhin et l'eau de Sels. Granville Barney, je suis horriblement fatiguée de cette vie. Je voudrais être actrice au théâtre de Southampton. Je voudrais rapiécer mes bottines jaunes devant des cadets stupides et à moitié ivres. Je voudrais redevenir jeune et innocente. » dit le major, en frisant sa moustache et en mettant une demi-douzaine de morceaux de sucre dans son thé. « Je vous dis que je suis dégoûté de cette existence équivoque. Je suis fatigué de cette lutte continuelle pour conserver de grandes apparences de fortune avec des moyens incertains. Nous nous faisons vieux, Granville. Il est temps de nous retirer pour vivre de notre bien. » « Parfaitement, mon Adeline. Chacune de vos paroles est digne d'un philosophe. Nous nous retirons avec notre fortune. » « Que voulez-vous dire, Granville ? Nous n'avons rien que votre paye. Aujourd'hui, oui. Dans un mois, non. Je suis fatigué du service, mon Adeline. Je ne retournerai plus dans l'Inde. Mais je m'établirai dans une agréable retraite à la campagne, où je passerai avec vous, bien entendu, mon ange, le reste de mes paisibles jours. Quelle bénédiction de n'avoir à se repentir de rien. Combien est pure la conscience d'un homme qui n'a jamais commis de délit qui puisse être condamné. Nous nous rabattrons sous l'hospitalité généreuse de notre ami Sir Rupert Lessel. Les yeux noirs de Mrs. Barney s'ouvrirent aussi grands qu'ils le purent. « Sir Rupert, Lessel, dit le major, ce jeune homme qui a tant souffert aura me remercier de lui avoir rendu son nom et sa fortune. Pauvre et cher enfant, il a failli être victime d'un complot infâme. Mais, s'écria Mrs. Barney, jamais vous ne voudrez souffrir que le pauvre enfant reste séparé de son affectueuse mère, qu'il soit privé de sa place dans le monde. » Qu'il soit frustré de son nom parmi les hommes, non, Adeline, jamais, dit le major en frisant sa moustache dans le transport d'une vertueuse indignation. Je voudrais, Barney, que vous cessiez de jouer la comédie avec moi, dit la dame avec impatience. Jouer la comédie, mon Adeline, que je fais pour cela? Que fais-je? Je n'ai point de crime à cacher, mon cher amour. Je découvre qu'un certain jeune homme a été depuis son enfance victime d'un lâche complot. Et que fais-je? Je me mets immédiatement à l'œuvre pour découvrir les détails de ce complot. Quand j'aurai achevé cette tâche, je mettrai à jour ma découverte. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce jeune homme m'aura une reconnaissance éternelle, et je n'ai pas besoin d'ajouter que je saurai tirer bon parti de cette reconnaissance. Mais on n'est pas toujours reconnaissant envers ses bienfaiteurs, dit Mrs. Barney. Tout le monde ne l'est pas, et même la majorité des individus penche peut-être plus du côté de l'ingratitude. « Mais je ne crains rien de Sir Rupert Lessel. Vous pensez qu'il sera meilleur que la majorité ?» demanda Mrs. Barney avec un sourire dédaigneux. « Je dis que je ne crains rien de lui, mon Adeline, je ne dis rien de plus. Il peut être le meilleur ou le pire des hommes, mais je n'ai pas peur de lui. S'il arrivait qu'il fût le pire, peut-être en aurais-je encore moins peur. » « Je me soucie peu de deviner des énigmes, Major Barney. Très cher, vous êtes à peine assez intelligente pour cela. » Cette jolie bouche n'a jamais été faite pour répondre à de vilaines énigmes, n'est-ce pas? Mon Adeline, vous n'avez jamais été faite pour autre chose que pour paraître belle, chanter et dépenser de l'argent. Vous avez été belle, vous avez dépensé des chansons et chanté de l'argent, je vous demande pardon, chanter des chansons et dépenser de l'argent toute votre vie. Vous avez donc rempli votre destinée, ne cherchez pas à faire davantage. Le cerveau créateur est ici, s'écria le major en se frappant le front avec une cuillère à thé. Sa jolie compagne haussa les épaules avec impatience et prit le Times que le major venait de lire. Regardez donc à droite des naissances et des décès et des mariages, et dites-moi ce que vous voyez. « Ah !» s'écria Mrs. Varney, quand ses yeux s'arrêtèrent sur un habit placé en haut de la colonne. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Lisez tout haut, Adeline, et je vous le dirai. » Si ces lignes parvenaient à la connaissance du major Granville Varney, H-E-I-C-S, ou de toute autre personne connaissant l'adresse actuelle de ce gentleman, on est instamment prié de passer chez Messieurs Solborne et Solborne, avoués Grace in Place. Qu'est-ce que cela signifie, Granville ? Vous montrerai-je comment je veux y répondre ? Demanda le major. Oui. Le major Varney se leva de table et, prenant place devant un pupitre en chêne sculpté, il écrivit rapidement quelques lignes. Puis, les passant à sa femme, il mit l'adresse sur une enveloppe pendant qu'elle lisait. Voici les quelques lignes qu'avait écrites le major. 14 Kensington Gore, 30 juin 1800 et quelques. Ma chère madame, me souvenant que Messieurs Solborne et Solborne de Gray's Inn étaient, il y a quelques années, les hommes d'affaires employés par votre famille, il m'est venu à l'idée que la vie insérée dans le Times d'aujourd'hui pouvait émaner de vous. S'il en était ainsi, s'il arrivait que d'une manière ou d'une autre, je puisse vous être utile, ordonnez, je vous en prie. S'il en était autrement, veuillez excuser la peine que je vous ai donnée. J'ai une telle antipathie pour les gens de loi que je préfère risquer de vous importuner par cette lettre que de me mettre en communication avec des personnes de cette profession. J'ai l'honneur d'être, ma chère madame, votre très obéissant serviteur, Granville Varney. Pourquoi supposez-vous que cet avis a été inséré par Mrs. Walsingham ? Demanda Mrs. Varney en rendant la lettre au major. Parce que j'attends cette insertion chaque jour depuis la mort d'Arthur Walsingham. Je pensais qu'il était plus que probable que le jour de sa mort il révélerait certains secrets. S'il l'a fait, tant mieux. Mrs. Walsingham devait se mettre dans ce cas à ma recherche, et j'étais préparé à la recevoir. Si au contraire il est mort sans parler, il serait nécessaire que je prisse l'initiative et que j'allasse trouver Mrs. Walsingham. Cet avis que j'ai cherché chaque jour avec attention me donne la conviction que mon pauvre fou d'Arthur a parlé avant de mourir. Le cher garçon, cela lui ressemble bien d'avoir parlé. Il a toujours été très conséquent avec lui-même et m'a toujours été très utile. Oh, Adeline, on ne commettrait jamais un seul délit punissable si l'on savait quel joli petit revenu l'on peut tirer des peccadilles des autres. Le major n'attendit pas longtemps une réponse à sa lettre. De bonne heure, le lendemain matin, une voiture s'arrêtait à la porte et M. Salamons, qui servait de valet, de sommelier de factotum, apporta son maître la carte de Mrs. Walsingham. Le major dit à son domestique d'introduire cette dame dans la bibliothèque, petite pièce donnant sur un jardin où il y avait une fontaine et des poissons rouges. Avant d'aller rejoindre la visiteuse, le major tira de sa poche une petite glace et se mit machinalement à peigner ses moustaches. « Les moustaches ne donnent pas un air bienveillant, » se dit-il en lui-même. Il eût été plus sage de me faire raser et de laisser pousser mes cheveux très longs avant que les choses arrivassent au point où elles en sont. Et cependant, les moustaches blondes donnent l'air doux et débonnaire. Je crois que je lui inspirerai de la confiance. Il trouva Mrs. Walsingham debout près de la fenêtre ouverte, les yeux fixés sur la porte par laquelle il était entré. Elle était très pâle, mais elle n'avait pas l'air beaucoup plus âgée que la dernière fois qu'il l'avait vue. « Mrs. Walsingham, » dit-il en avançant les deux mains, « c'est donc véritablement vous qui avez fait insérer cet avis dans le Times, et vous venez réclamer mes services, c'est très bien de votre part. Je suis de retour de l'Inde depuis peu, et je n'ai appris qu'il y a un jour ou deux que mon pauvre vieil ami était... » Ici, elle l'interrompit, et dans une agitation qui lui était impossible de cacher, elle prit la parole. « Major Varney, Major Varney, je ne viens pas vous trouver pour une affaire ordinaire. Je vous aurais cherché déjà, mais la douleur, la secousse de... » Elle hésita, et une vive rougeur couvrit ses joues pâles pendant quelques minutes. « De la mort du capitaine Walsingham m'avait ôté jusqu'au loisir de penser. Mes conseils se sont fortement opposés à ce que j'ai la moindre communication directe avec vous. Ils ignorent cette visite, mais je risque tout pour vous faire une seule question. Vous avez pu être mon plus grand ennemi. Vous pouvez être déterminé à l'être encore. Ma tête ne peut supporter les doutes de toutes sortes qui l'ont torturé pendant les trois dernières semaines. Major Varney, je vous demande, par l'amour que vous avez autrefois éprouvé pour votre mère, de répondre à ma question. » Elle tomba à ses pieds et tendit vers lui ses mains suppliantes. « Dites-moi, par pitié, mon fils, Sir Rupert Lissell, est-il encore vivant ? » Le major ouvrit des yeux si grands qu'il sembla douteux qu'il pût jamais les refermer. Quand Mrs. Walsingham lui fit cette question, il la releva doucement et la conduisit à son fauteuil. « Pour l'amour du ciel, dit-il, calmez-vous, chère madame, je vous en supplie. Vous me mettez dans un grand embarras. Quelle est la cause de cette hallucination ?»« Il n'y a pas d'hallucination, dit-elle. Le capitaine Walsingham, quelques moments seulement avant l'apoplexie qui mit fin à ses jours, a fait de grands efforts pour révéler un secret. Des efforts, dit le major avec inquiétude. Il n'a pu prononcer que quelques mots entrecoupés, mais ces mots ont suffi pour m'apprendre que mon fils n'était pas mort, et que vous connaissiez quelque chose de ce secret. Ma chère dame, soyez assez bonne pour vous rappeler combien cela est invraisemblable. J'ai vécu dans l'Inde depuis la disparition de votre fils. Je ne suis de retour que depuis un mois. Le cerveau de mon pauvre ami était peut-être attaqué, car il est peu probable que votre fils soit en vie. Quelle raison pouvait avoir eu le capitaine Walsingham pour vous cacher ce fait? Qu'avait-il à gagner à l'accomplissement d'un tel crime? Rien, rien. La fortune de mon pauvre enfant mourrait avec lui. Alors, quelle raison aurait-on eu pour cacher son existence s'il existe réellement encore? Ma chère madame, ceci est très étrange, très embarrassant. J'ose à peine vous dire combien cela me semble étrange. Il y avait un peu de confusion dans le ton du major lorsqu'il dit ces derniers mots, et il regarda Mrs. Walsingham avec une émotion singulière. « Vous osez à peine me dire, s'écria-t-elle. Oh, par pitié, dites-moi ce que cela signifie. Vous me cachez quelque chose, vous savez quelque chose que vous ne voulez pas me dire, j'en suis convaincu. Non, non, dit le major en marchant de long en large dans le salon, comme perdu dans ses pensées. C'est si peu probable, si incroyable, si impossible. Major Barney, par pitié, parlez. Rappelez-vous que, si vous savez quelque chose de mon pauvre enfant, si vous voulez m'aider à lui rendre son nom et sa fortune, la moitié de cette fortune sera la vôtre. » Le major fit un mouvement comme si quelqu'un l'avait frappé. Il se releva de toute sa hauteur en regardant en face Mrs. Walsingham et il dit avec hauteur. « Mrs. Walsingham, je vous recommanderais de ne jamais tenter de corrompre un officier de l'armée des Indes, et je vous conseillerais aussi de ne pas disposer de la fortune de votre fils. S'il était vivant, il serait bientôt major et il aimerait à s'acquitter lui-même de ce soin. « Pardonnez-moi, dit-elle, je suis à moitié folle. Pardonnez-moi et dites-moi ce que vous pensez au sujet de mon fils. » Le major ne répondit pas, mais il continua à marcher de long en large dans le salon, toujours plongé dans ses pensées. Bientôt il s'arrêta brusquement. « Mrs. Walsingham, avez-vous un portrait de Sir Rupert Lessel ?» Elle défit son châle et, autant de son cou une chaîne d'or, elle mit dans la main du major le médaillon qui y était attaché. Ce médaillon contenait une miniature de Sir Rupert, peinte sur ivoire et faite un an avant la disparition de l'enfant. Le major le considéra avec soin, puis il s'approcha de la fenêtre et examina la miniature pendant quelques instants. « Mrs. Walsingham, dit-il avec émotion, le ciel sait combien je crains de dire une seule parole qui pourrait vous induire en erreur dans une affaire comme celle-ci. Mais, ajouta-t-il avec une brusque énergie, aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, je crois que votre fils est vivant. » Les joues de Mrs. Walsingham, si pâles jusqu'ici, devinrent blanches comme un linceul. Elle glissa doucement de son fauteuil et tomba inanimée sur le tapis.